voici un hors-série de la courte échelle. Soyez toutes et tous les bienvenus dans ce premier hors-série de la courte échelle pour cette année 2022. Les hors-séries, vous connaissez bien sûr le principe maintenant. Il s'agit pour nous de retrouver les titres des deux premières saisons que nous avons appréciées. Pour débuter, nous allons retrouver Aloïse et les Dynamos, le groupe de l'Est de la France avec Y'a pas le feu au lac. Il y aura ensuite André Varin avec Un rayon de soleil. Captain Frappa qui, contrairement à son titre, Will You Tell Me, est un groupe français. La courte échelle, chaque semaine, c'est le rendez-vous des nouveautés, des artistes indépendants, des artistes de la scène indépendante, des nouveautés qui vous sont distillées dans tous les styles musicaux et dans toutes les langues, évidemment. Allez, on démarre tout de suite avec Aloïse et Dynamo. Thank you.

edge of dry ground tonight, where the ocean will tell us to dive, will tell us to dive. Les hors-séries de la courte échelle, à suivre. C'est le 15 mars 2012 qu'est sorti le premier album de Christophe Ravet et des Rolling Sonotones. Il avait pour titre Premier physique. Christophe Ravet est avec nous depuis le début de la courte échelle, il y a 3 saisons. Voici Plus que tout. Plus que 2 mois pour fuir mes erreurs, oublier les froids, les douleur. Plus m'habiller dans ton humeur, ne plus dissimuler ma peur. Plus que deux semaines et je dénoue les chaînes qui me lient à ton joug. Plus d'horizon, plus rien du tout, et tes serments je les bafoue. Plus que tout, plus que tout. Premier album du Ludivine Bro est sorti en 2008, il s'est nommé Éclectique et c'est un album à l'image d'une artiste qui débute sa carrière en tant que danseuse et qui aime tous les styles musicaux. La voici avec Seul au monde, Ludivine Bro. Vous écoutez un hors-série de La Courte Échelle. Image de mes adieux. qui t'as fait partie. Le boulevard des souvenirs, je pleure quelquefois. Fais de mes soupirs le mal de toi. N'était pas faite pour toi. Seul au monde, seconde après seconde, le temps n'en finit pas. Seul Dominique Doman est un auteur, compositeur et interprète franco-allemand et il nous a produit un album qui avait pour titre Elle Nocturne. C'était son premier album solo et nous allons en écouter le titre éponyme. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Vous écoutez un hors-série de La Courte Échelle. Minuit en Amazonie, des flocons de feu embrasent les cieux. Le grand chef crie, un démon rit, un sapin joue à sauter. Et les perroquets pâlissent, au ciel virevoltent les étoiles. La tortue géante s'est réveillée, les fous. L'ancienne falaise s'est retournée, des ailes nocturnes déchirent les ailes. Les hommes du poumon vert font un cercle de pierre, jettent leurs flèches dans la boue sèche, posent leurs javelots, s'asseyent sans un mot. Et les rivières frémissent, au ciel virevoltent les étoiles. La tortue géante s'est réveillée, les fourmis rouges sillonnent la terre. L'ancienne falaise s'est retournée, des ailes nocturnes déchirent les ailes. Son camp, leur visage se tourne en arrière et ils voient les hommes du néant. La tortue géante s'est réveillée, les fourmis rouges sillonnent la terre. L'ancienne falaise s'est retournée, des ailes nocturnes déchirent les ailes. La tortue géante s'est réveillée, les fourmis. L'ancienne falaise s'est retournée, des ailes nocturnes déchirent les ailes. C'est l'année dernière que Fred Charrier nous a livré son troisième album. Il avait pour titre différent. La voici, Fred Charrier avec Rockstar. Vous Vous écoutez La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants chaque semaine, des talents à découvrir. Les hors-séries de La Courte Échelle, à suivre. Il a connu le succès en 1974 avec Premier baiser, première larme, 2 millions de disques vendus. Voici Jacques Kerrigan avec À ma fille. Pour elle, je ferai taire le silence. n'efface jamais l'absence, ne passe des mots dans le cœur. Je tuerai le temps, les heures, pour que jamais l'amour se meure. Mon cœur n'a pas de cheveux blancs, pour toi il a toujours 20 ans. Le ménage, la vaisselle, c'est pas son truc à elle. Elle est plutôt en mode bordel. Pourtant je la vois comme une princesse à qui je donne toute ma tendresse. Pour elle, je ferai taire le silence, pour que jamais l'absence ne fasse des mots dans le cœur. Je tuerai le temps, les heures, pour que jamais l'amour se meure. Mon cœur n'a pas de cheveux blancs, pour toi il a toujours 20 ans. Pour elle, je ferai taire le silence, pour que jamais l'absence ne fasse des mots dans le cœur. Je tuerai le temps, les heures, pour que jamais l'amour se meure. Dis-moi, je t'ai donné la vie, toi tu es tout ce qu'est ma vie. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Voici Jean-Jacques Kira avec « Ma vie d'artiste ». Ma vie d'artiste, elle ne peut pas nous séparer. Si tu savais comme c'est triste, les fins de gala, les tournées. Après les dernières photos, signe soir entre deux portes, quand on balaye le plateau, et que lumières sont mortes. Quand l'ordinateur fait le noir, quand on range les accessoires, et que j'entends dans le couloir dire bonsoir. Ma vie d'artiste, elle ne peut pas nous séparer. Si tu savais comme c'est triste, quand le spectacle est terminé, qu'on va rejoindre son hôtel et la même chambre morose, qu'on ne dort pas tant que le ciel n'allume pas toutes ses roses. Toujours ce vague remords, qu'on aurait pu faire mieux, plus fort, aller plus loin dans son effort, qu'on n'avait qu'à donner encore. Ma vie d'artiste, elle ne peut pas nous séparer. Mais Dieu, c'est fou ce qu'elle existe, je ne pourrais pas m'en passer. Un œil entre les deux rideaux pour voir si on a fait du monde les premiers accords du piano et puis le trac qui nous inonde. Et poussé par je ne sais quoi, dans un tourbillon de musique, courir vers lui, courir vers toi, courir, courir vers le public. On les a découverts l'an dernier dans la courte échelle. Je veux parler de El Malek Brothers avec un taxi parisien. Vous écoutez hors série de la courte échelle. L'aube aux reflets bleus chasse la nuit. Les enseignes s'éteignent sur Paris. Le soleil se lève sur l'obélisque. Et sur les Champs-Élysées brille son disque. Dans les vitrines des magasins s'efface mon refrain. Les âmes envahissent cette terre de tous les délices. Et l'étoile scintille par les gyrophares de police. Les corps engourdis par le plaisir se jettent dans les bouches de métro à peine entrouvertes. Dans les vitrines des magasins s'efface mon refrain. Pont Alexandre III, rêve mystérieux, des chevaux ailés pour fendre les cieux. Au loin des armées invisibles, livre bataille au canon, des s'efface mon refrain. Au petit matin, les ombres sont pastel. La gare Saint-Lazare émerge de son sommeil. Rue de la Goutte d'Or, Moulin Rouge et rue Blanche. Derrière le maquillage se cache la souffrance. Elle habite maintenant à Copenhague. Elle a été violoncelliste dans les orchestres symphoniques à Paris, Cambridge, Toronto ou Amsterdam. Elle a débuté sa carrière solo sur les scènes néerlandaises en 2014. Elle chante ses textes en français ou en anglais en s'accompagnant à la guitare, au piano ou au ukulélé. Voici Magali Michaud, Comment faire sans. L'après-midi qui passe, le thé servi dans les tasses, les petits gâteaux étalés. Les blagues fusent de tous côtés, entre les garçons et les filles, on papote tous en famille. Les petits bonheurs quotidiens, être entouré par les siens, et soudainement, comment faire sans, c'est indécent, j'ai pas la clé pour résister. Dans un espace où chacun avait sa place, mais tout ça s'est oublié. Va falloir recommencer. Dans ma tête, ça part en vrille. Les peurs enfouies me torpillent. Bien sûr, on n'y peut rien, mais pour maman, c'est la fin. Je me demande comment faire sans, c'est indécent. J'ai pas la clé pour résister. Couleur de sang incandescent, je suis effrayé, paralysé. La souciance s'est envolée, les repères ont explosé. Quel sens donner à ma vie si j'ai plus d'envie? Je sais pas bien comment faire sans, c'est indécent. J'ai pas la clé pour résister. Couleur de sang incandescent, je suis effrayé. Il est auteur, compositeur, interprète en chanson française. Voici Laurent Blanchard avec Cœur Troubadour. Paralysé. Vous écoutez un hors-série de La Courte Échelle. Dans mon cœur troubadour se cache un secret lourd qui n'appartient qu'à moi, où je me noie parfois. Au fond de ce cœur troubadour, je sens le poids de cet amour que je garde pour moi, que je garde pour moi. Quand les chevaux dansent, je les vois s'envoler. C'est à toi que je pense pour me sentir léger. Quand les chevaux dansent, je les vois s'envoler. C'est à toi que je pense pour me sentir aimé. Chevauchant les nuages, je ressens de la rage à ne pouvoir crier si belle vérité. car c'est au creux de ces nuages que se dessine ton visage, parfum d'éternité, d'éternité. Quand les chevaux dansent, je les vois s'envoler, c'est à toi que je pense pour me sentir léger. Il y a trop longtemps que s'est perdu le vent de ton souffle sucré qui venait consoler le cœur perdu de cet enfant, voulant rêver comme les grands au soleil de l'été, de l'été. Quand les chevaux dansent, je les vois s'envoler, c'est à toi que je pense pour me sentir léger. Quand les chevaux dansent, je les vois s'envoler, c'est à toi que je pense pour me sentir aimé. La courte échelle. Les hors-séries de la courte échelle à suivre. Il est là lui aussi depuis les débuts de la courte échelle, il y a 3 saisons, c'est Ben Whelan avec Lover's Blues. Late night, come home, bulldoze me with your eyes. Your stare, your glare, makes me lose track of time. Let's throw that line over a glass of wine. Lessons are learned when you are least inclined. The sky turns black and blue in the middle of the night. You feel it too. I can't get it off my mind. Enzo Lorenzo dans La Courte Échelle, ce numéro hors série spécial nous emmène voir les filles de Cuba. Vous écoutez un hors série de La Courte Échelle. Première saison de La Courte Échelle, nous avons découvert un garçon fort sympathique, ma foi. Il s'appelle Gérard Youn avec Paris la vie. Oui, j'y vais pour ça. Vous écoutez hors série de La Courte Échelle. Au moment propice, sans après, je t'avais dit, sors ma guitare. Allons à Saint-Germain-des-Prés, comme le font tous les artistes. Et puisque rien n'est un hasard, si l'on swingait sur le pont des arts, pour y voir la scène se troubler, comme le font tous les artistes. Tous les artistes qui ont froid, tous les artistes qui ont peur, qui cherchent l'éternel bonheur dans leur foi. Comme la vie qui brûle en nous, comme le vent qui change tout. Paris la vie, Paris bohème, pour toujours. Et puisque rien ne dure jamais, l'amour peut nous accompagner, juste un petit bout de chemin, comme le font tous les artistes. Aux deux magots, il y avait Prévert, Django jouait comme un éclair, Rimbaud vivait dans ses poèmes, comme le font tous les artistes. Tous les artistes qui ont froid, tous les artistes qui ont peur, qui cherchent l'éternel bonheur dans leur foi. comme la vie qui brûle en nous, comme le vent qui change tout. Paris, la vie, Paris, bohème, pour toujours. Tous les artistes qui ont froid, tous les artistes qui ont peur, qui cherchent l'éternel bonheur dans leur foi. Comme la vie qui brûle en nous, comme le vent qui change tout. Paris la vie, Paris bohème pour toujours. Au singulier de l'irréel, sur les hauteurs de la tour Eiffel, tu danseras Paris bohème comme le font tous les artistes. Et sur les quais des bateaux-mouches, on jouera de la guitare manouche. On sera surpris du matin, comme le font tous les artistes. Tous les artistes qui ont froid, tous les artistes qui ont peur, qui cherchent l'éternel bonheur dans leur foi. Comme la vie qui brûle en nous, comme le vent qui change tout. Paris la vie, Paris bohème pour toujours. Tous les artistes qui ont froid, tous les artistes qui ont peur, cherche l'éternel bonheur dans leur foi. Comme la vie qui brûle en nous, comme le vent qui change tout. Paris la vie, Paris bohème pour toujours. Paris la vie, Paris bohème pour toujours. Paris la vie, Paris bohème pour toujours. C'est avec le Québécois Guy Brière que va se terminer ce hors-série de la courte échelle. N'allez pas croire. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Vous écoutez un hors-série de La Courte Échelle. N'allez pas croire tout ce qu'on raconte, toutes ces histoires sur mon compte. Ne gobez pas tout ce qu'on vous dit, même si ce qui est vrai est dit. Ne cherchez pas à me comprendre, ou bien à vouloir me défendre. Ne me jugez pas à tort ou à raison, car si j'ai tort, elle a raison. Je ne suis pas un menteur, un charlatan hypocrite, un arracheur de cœur, un don juan émérite. Je ne suis pas insensé et encore moins insatiable. Je ne suis pas irrité, mais un peu irritable. Laissez couler les informations. Débarrassez-vous de tout soupçon, car le doute, certes, manque de conviction. Je ne suis pas un menteur, un charlatan hypocrite, un arracheur de cœur, un don juan émérite. Je ne suis pas insensé et encore moins insatiable. Je ne suis pas irrité, mais un peu irritable. J'espère que vous avez passé un bon moment à l'écoute de ces souvenirs des deux premières saisons de La Courte Échelle dans ce hors-série. À suivre bientôt La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants avec les nouveautés. N'allez pas croire tout ce qu'on raconte. soyez heureux et à bientôt. Ces histoires sur mon camp, ne gobez pas tout ce qu'on vous dit, même si ce qui est vrai est dit. Les hors-séries de la courte échelle. À suivre. Votre instant d'évasion, la courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants.